je t'aime encore. Je t'aime jusqu'à la mort. Je t'aime comme si tu étais moi. Je t'aime comme si tu n'étais plus là. Je t'aime encore. Je t'aime jusqu'à la mort. Je t'aime comme si tu étais moi. Je t'aime comme si tu n'étais plus là. Je t'aime encore ma chérie. Je pense à toi, l'alcool dans la vessie. Je bouffe d'autres choses mais je n'ai pas d'appétit. Dans la vraie vie, ces mots d'amour, j'ai tant de mal à les dire. Je suis agressif, quand on me demande des câlins, je les tire par les tifs. Quelle tragédie, mais je t'aime encore mon amour. Depuis toi je baise, il n'y a qu'elles qui font l'amour. Je ne sais plus faire la cour, mon cœur a fermé sa dour. Parfois je rêve de ta fouf, comme l'équipe de France de la coupe. Si quelqu'une parle de toi, je la coupe. Note, pas c'est comme un éclabousse, alors je l'étouffe dans la douce. Mais je t'aime encore mon bébé, je ne pense pas que le temps et l'argent vont m'aider. Personne ne me comprend, je peux confesser, il n'y a avec toi qui savait complété. Je vis la lumière comme un sombre été. Je peux faire n'importe quoi, combien de gens vont m'aimer. Je sais que jusqu'à mon décès je te réserverai la place du mort à bord de mon féfé. Car je t'aime encore ma belle. On peut tout recommencer sur un seul appel. J'ai croisé la bonne et je sais c'est laquelle. Aucune tasse-paix ne pourrait apaiser ma peine. Même quand elle me dit je vais te faire tout oublier, je réponds ferme ta gueule, il faut que je me rappelle. On m'importune à peine que l'on cite ton nom. Mon cœur porte une attelle depuis que je trouve le temps long. Je t'aime encore mon ami. Je t'aime à mort et à vie. Le temps efface tout qu'on a dit. Je vais mourir à fiche en complet. Vous donnerez mon corps à la science. J'ai laissé mon cœur à ton chevet. J'ai croisé un ange en avance. Je t'aime encore. Je t'aime jusqu'à la mort. Je t'aime comme si tu étais moi. Je t'aime comme si tu n'étais plus là. Je t'aime encore. Jusqu'à la mort. Je t'aime comme si tu étais moi. Je t'aime comme si tu n'étais plus là. Je t'aime encore mon salaud. Je t'aime encore lorsque tout tombe à l'eau. Toi et moi face au monde, c'est comme ça que je suis mégalo. Sur mon rafio, t'auras toujours une place, comme un croc sur mon gâteau. J'ai déjà dégoté le magot, à ma droite j'ai un ange et ta face à ma gauche. Je crois que je t'aime encore mon reflet. Parfois c'est toi que je vois dans mon reflet. Je sors toujours de gobelet quand je veux me faire un revêt. Tu me remets, je renais, je peux ôter le déguisement que je revais. Je te connais par cœur, je te sais, y a pas meilleur jeu de scène. Pour moi j'ai peur mais pour toi je me saigne. Pour ton mariage j'irai m'acheter un peigne. Ouais, je t'aime encore mon cochon. Même lorsque ton regard s'est vide avec mon pocheton. Entre nous pas de blême de chat ou de pognon. Quand je te dis que je te déteste c'est que je t'aime et que je suis un peu grognon. Moi qui rêve tant d'horizon, je peux pas te regarder de doigt et l'oignon. Le manque d'argent comme les grilles d'une prison. Le soir je m'endors en comptant les barreaux que nous éliminons. Je t'aime encore mon petit père. Viens on reste dans la caisse, roule un petit air. Je nous ai vus dans la perte et la vitesse. Tous les deux dans la merde et la lumière. La vie de ma mère que je veux nous délivrer. Quand tu dis que ça va pas, je l'avais déjà deviné. Tiens-moi la main, j'aimerais pas dériver. Tout niquer seul, j'en ai jamais rêvé. Ouais. Je t'aime encore mon ami. Je t'aime à mort et à vie. Le temps efface tout qu'on a dit. Je vais mourir à fiche en complet. Vous donnerez mon corps à la science. J'ai laissé mon cœur à ton chevet. J'ai croisé un ange en avance. Je t'aime encore. Je t'aime jusqu'à la mort. Je t'aime comme si tu étais moi. Je t'aime comme si tu n'étais plus là. Je t'aime encore. Je t'aime jusqu'à la mort. Je t'aime comme si tu étais moi. Je t'aime comme si tu n'étais plus là.